Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons ce matin continuer notre épître aux Philippiens, et nous allons le faire par la grâce de Dieu, et c'est pour ça que nous allons prier ensemble, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, c'est vers toi qu'on se tourne. On est conscient de notre petitesse quand on lève les yeux vers toi. Et qu'on sait que tu es infini, tu remplis les cieux et la terre. Et notre cœur, notre esprit est convaincu que nous sommes une créature et que tu es le Créateur. Je comprends qu'en fait les hommes de l'Ancien Testament qui t'ont vu, qui ont vu des théophanies de toi, sont tombés à genoux ou face contre terre. C'est ce que nous faisons dans notre cœur. Nous te demandons encore une fois que tu nous parles ce matin, que tu nous instruises dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. On a vu hier que c'est Paul qui est l'auteur, mais c'est Dieu qui est l'initiateur. Celui qui a inspiré Paul pour qu'il nous parle, pour qu'il nous dise ces vérités-là. Et on a vu qu'il écrit à des chrétiens, des gens qui connaissent la vérité, des gens qui se sont convertis, des gens qui ont été purifiés, des gens qui ont été lavés de leurs péchés, des gens qui sont des adorateurs et des serviteurs de Dieu, comme l'apôtre Paul et Timothée étaient. Et ce matin, nous allons entrer, premièrement, dans notre texte, vraiment de l'Épître, dans le corps de l'Épître. Et c'est là que Paul va commencer à parler de la joie. Mais on va voir de quoi il se réjouit. Il va nous parler des raisons de sa joie, que même pendant qu'il est en prison, sa joie est grande. Et invite des gens à se réjouir. Lisons ensemble notre texte, chapitre 1, verset 3, jusqu'au verset 8. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Paul commence en rendant grâce. Paul remercie Dieu. De quoi remercie-t-il Dieu? Quelle est la raison d'être de ses actions de grâce? Il rend grâce à son Dieu pour un souvenir qu'il y a dans sa tête, dans son cœur, dans son esprit, un souvenir. Et c'est le souvenir de l'église de Philippe. Il dit, je me souviens de vous. Il se souvient de leur conversion. Il se souvient de la grâce que Dieu a faite à ces hommes et à ces femmes-là. Paul se réjouit et est poussé dans son cœur à rendre grâce à Dieu pour la conversion, premièrement, de ces hommes et de ces femmes qu'il a connus il y a bien des années à Philippe. Pour Lydie, avec sa famille. Pour le geôlier, avec sa famille. Et les autres qu'on ne connaît pas. mais il rend grâce à Dieu de l'œuvre de Dieu dans la vie des gens. Que Dieu œuvre dans le monde, autour de lui. Il se souvient du salut de certaines personnes. Et ça le pousse à rendre grâce à Dieu. Et il rend grâce aussi, en même temps, pour la part qu'il prenne, l'implication que l'Église de Philippe a par rapport à l'Évangile. Il dit, de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Il dit, je rends grâce à Dieu que dès le début de votre conversion, vous avez pris part à l'Évangile. Vous vous êtes impliqué dans l'Évangile. Vous avez manifesté les fruits de l'Évangile en vous. Dès le début. Paul a vu des fruits de l'Évangile dans la vie de ces hommes, de ces femmes, dès le début. Un peu comme, si on prend Lydie. Qu'est-ce que fait? Aussitôt qu'elle s'est convertie, elle a pris Paul et c'est les ceux qui étaient avec lui, elle les a pris et elle les a habités chez eux. Et elle a pourvu à ses besoins pendant qu'il était là. On voit le geôlier, aussitôt qu'il se convertit avec sa famille, qu'est-ce qu'il fait? Il prend soin de Paul. Et l'Église, il va en parler plus loin, aussitôt que l'Église a commencé, que Paul est obligé de partir, l'Église s'empresse à aider Paul de toutes sortes de façons possibles et imaginables. Financièrement, en l'accompagnant, il participe à la proclamation de l'Évangile et à la mise en place de l'Évangile. Paul va mettre en place des diacres, des anciens, ils vont commencer une communauté chrétienne. Ils vont commencer à répandre l'Évangile. Il rend grâce aussi, non pas juste pour le début, mais il dit jusqu'à maintenant. Ça veut dire, mettons, ça fait 15 ans, 20 ans peut-être, qu'ils ont commencé et qu'ils persévèrent, ils continuent. Combien de fois vous avez rendu grâce comme je rends grâce à Dieu parce que les gens persévèrent. Les gens continuent. Les gens continuent parce que Dieu continue en eux. La persévérance des saints est une manifestation de la grâce de Dieu en nous, de l'œuvre de Dieu en nous, jusqu'à la fin. Donc, il rend grâce de leur conversion, il rend grâce de leur participation à l'Évangile, il rend grâce de la persévérance qu'ils ont eue jusqu'à ce jour. Il rend grâce à qui? À Dieu. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, l'Évangile. C'est l'œuvre de Dieu, l'Évangile, frères et sœurs. Ce n'est pas l'œuvre des croyants. Oui, les croyants sont actifs. Oui, les croyants ont mis l'argent, mettons la main dans leur poche puis ont donné de l'argent à Paul. Oui, ils l'ont fait. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Il ne faut jamais oublier ça, frères et sœurs. Que c'est l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, mettez en œuvre votre salut, mais il dit, parce que Dieu est à l'œuvre en vous. Si on encourage les gens à passer à l'action, sans leur rappeler et leur dire et leur enseigner que le salut, dans toutes ses formes, sanctification, justification, glorification, c'est l'œuvre de Dieu, on fait d'eux des religieux. Ils vont faire de la performance. Ils vont faire de l'activisme religieux ou chrétien. Paul dit, vu que Dieu travaille en vous, travaillez vous aussi. Il dit, je rends grâce à mon Dieu de votre conversion. Je rends grâce à mon Dieu de votre implication. Je rends grâce à mon Dieu de votre persévérance. C'est lui qui doit être glorifié de toutes choses. Et non pas les hommes et les femmes, comme Paul ou autres. Ensuite, au verset 6, il dit, je rends grâce à mon Dieu qu'il va persévérer avec vous. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre de conversion, de participation, de persévérance, celui qui a commencé en vous cette œuvre de salut va l'amener à la perfection pour le jour du Seigneur. C'est vraiment important qu'on comprenne cela. Paul s'adresse à des hommes et des femmes chrétiennes et est convaincu que les chrétiens qui sont là, à qui il s'adresse, vont continuer parce que Dieu va continuer. Ce que Dieu a commencé, il l'amène toujours à terme. Il faut s'encourager les uns les autres avec ces vérités-là. Quand on se rencontre, quand on se parle, on doit s'encourager, on doit se motiver, on doit se stimuler en parlant de ce que Dieu fait dans notre vie. Ce que Dieu a commencé en nous et ce qu'il va accomplir en nous. C'est ça qui stimule à la foi. C'est ça qui stimule à rendre grâce, à l'adoration, à la louange. Tout le temps que je passe à regarder ouais, si je suis capable de faire la vie chrétienne, si j'ai obéi, si je n'ai pas obéi, me pousse à devenir religieux. Ce que Dieu a commencé en nous, il va l'amener à la perfection. Paul rend grâce à Dieu. Paul rend grâce à Dieu de cela. Je rends grâce à Dieu. Vous rendez grâce à Dieu. Ça fait maintenant 37 ans que Dieu a commencé son œuvre en moi. Et il la continue. Et si je suis là ce matin en train de vous parler, c'est parce qu'il persévère en moi. C'est parce qu'il continue de œuvrer en moi. Continue de travailler dans mon cœur pour que je puisse l'adorer et le servir. Ensuite, il dit, il rend grâce à Dieu, au verset 7, pour la grâce de Dieu qu'il reçoive. Il dit, je sais que vous participez tous à la même grâce que moi. La grâce de Dieu était en eux. Et je rends grâce à Dieu que sa grâce est manifeste en vous. Que vous êtes des gens qui participez à la même grâce que moi. Que Dieu... Je vous regarde là, quand je pense à vous, quand je me souviens de Dieu. Vous êtes des images, vous êtes des peintures, vous êtes un chant de la grâce de Dieu. Je vous regarde, quand je pense à vous, je vois la grâce de Dieu. Je vois la grâce de Dieu. Quand on regarde un chrétien, on voit la grâce de Dieu. Si je vois ses œuvres, je dois voir derrière les œuvres qu'il fait la grâce de Dieu. Si je vois ça, qu'est-ce que je fais? Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Et une dernière au verset 8, il dit, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Il rend grâce à Dieu de l'amour de Jésus-Christ pour les Philippiens. Parce qu'il dit bien, hein, je vous aime de la tendresse de Jésus-Christ. Il dit, je vous chéris tous avec quoi? Avec la tendresse de Jésus-Christ. Pas la sienne. Pas une tendresse humaine. Pas une tendresse charnelle, pas une tendresse sensuelle. Une tendresse spirituelle, une tendresse qui vient de Dieu. Je vous aime avec l'amour de Jésus-Christ. Donc, pour pouvoir aimer un frère, une sœur, de l'amour de Jésus-Christ, il faut premièrement recevoir cet amour-là de Jésus-Christ en nous. Il me donne son amour et ainsi je peux aimer les frères et sœurs autour de moi. Donc, il dit, je rends grâce à Dieu qu'il vous aime à travers moi. Mais Paul est conscient que l'amour qu'il a pour l'Église, que l'amour qu'il a pour les croyants ne vient pas de lui, mais vient de Christ en lui. C'est pour ça qu'il va dire plus loin, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La vie chrétienne, ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre de Christ en nous par son esprit. Et cet esprit-là agit en moi, il me pousse à prendre des décisions, me pousse à faire des actions très volontaires que je fais. Paul pouvait dire, je vous aime, mais il est conscient qu'il aime avec l'amour de quelqu'un d'autre, l'amour de Jésus-Christ. Oh, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul est en prison et il rend grâce à Dieu. Vous savez, on va voir que demain, c'est ça qui fait qu'un homme ou une femme ou un chrétien peut être dans la joie, dans la prison. Il est capable de rendre grâce, peu importe les circonstances dans lesquelles il se trouve. Il dit à l'église de Philippe ici, ne regardez pas la situation dans laquelle je me trouve. Ne pensez pas que je suis malheureux à cause que je suis persécuté et en prison. Ne pensez pas que je suis en train de démissionner ou je suis dans l'affliction ou je suis dans un découragement spirituel. Non, il dit, j'ai du temps pour rendre grâce à Dieu. Et à chaque fois que je pense à vous, je rends grâce à Dieu de son œuvre en vous. Notre bon Père du ciel, merci de ton œuvre en chacun de tes enfants. Qu'on soit des hommes et des femmes qui rendent grâce, Seigneur. Oh, qu'on soit des hommes et des femmes qui rendent grâce. Oh, donne-nous la grâce de se concentrer, de méditer sur ton œuvre dans le monde, dans nos vies, dans la vie de l'Église, dans le monde. Et nous serons des hommes et des femmes qui vont te rendre grâce et ainsi t'adorer et te glorifier. Pardonne-nous, Seigneur, si dans la chair, on est si souvent porté sur nos soucis personnels, sur nos malheurs personnels, sur notre situation personnelle. Oh Seigneur, j'en suis le premier. Tu connais toutes mes lamentations, mes découragements, mes difficultés. Et je sais, je suis conscient, c'est parce que je ne regarde pas à toi dans ce temps-là. Ma chair regarde aux circonstances. Oh Dieu, je te bénis, je te rends grâce que ton esprit relève ma tête, relève mon cœur et me donne la grâce de regarder vers toi. Au nom de Jésus.